Donc, nous avons vu dans la précédente vidéo comment Chilpéric avait fait croire que derrière le meurtre de Sigebert se trouvait Gontran. Et il avait ainsi justifié une guerre alliée des Austrasiens contre Gontran, roi de Bourgogne. Guerre très sanglante qui n'avait pas donné grand-chose, et Chilpéric avait été obligé de faire la police dans son armée en exécutant le comte de Rouen qui s'était laissé aller à des débauches de cruauté. L'alliance finalement entre avec les Neustriens, du côté des Austrasiens, cette alliance n'a plus beaucoup d'intérêt parce que Chilpéric a eu un enfant avec Frédégonde en 582 à Paris et qui porte le nom de Thierry, qui est d'ailleurs un prince austrasien célèbre, enfin le même nom qu'un prince austrasien célèbre, qui était en réalité le fondateur du royaume d'Austrasie. Mais Thierry meurt en 584, et donc le roi est désespéré, il n'a plus de descendance mâle, son royaume va donc passer dans d'autres mains. Il n'a plus que des filles, et encore sa fille, donc Rigonde, qu'il a eue avec Frédégonde, a été promise au cadet du roi des Visigoths, et son cortège nuptial est en train d'évoluer lentement vers le territoire wisigoth, où elle est censée être épousée. Quant à la Basine, donc Basine, c'est la fille qu'il a eue avec Audevert, sa première femme, celle-ci est enfermée au couvent. Et il espère, Chilpéric espère récupérer Basine pour pouvoir la promettre en mariage, pour pouvoir la donner au roi des Visigoths et récupérer Rigonde, qu'il marierait ainsi à un roi franc pour essayer de favoriser l'unité du royaume. Parce que malgré tout, il est aussi, comme ses frères, soucieux de l'unité du royaume. Mais évidemment, Basine se trouve dans le couvent de Sainte-Croix à Poitiers, où se trouve sa tante Radegonde, et Radegonde s'y oppose, mais alors de façon radicale, en disant qu'elle a fait ses vœux, et que donc elle est consacrée à Dieu, et qu'elle ne peut pas être mariée. On sait que Radegonde a gardé d'ailleurs un très mauvais souvenir de son mariage avec Clotaire. Chilpéric respecte le désir de Radegonde et de Basine, et se retrouve finalement sans descendance, ni mâle, ni de descendance, ni de fille en réalité. Il ne peut pas faire grand-chose avec ses propres filles. Donc il est assez dépourvu, assez impuissant. Et il faut savoir que, alors qu'il revenait d'une partie de chasse, un soir, près de Chelles, Chelles, donc, c'est le territoire qu'il a acquis à côté de Paris, qui est finalement une ville qu'il a récupérée, mais je disais dans le précédent podcast qu'il avait remis en question son statut de ville indivise. En réalité, il est probable que cette ville soit restée indivise, même à l'époque où Chilpéric était à l'apogée de sa puissance en tant que roi de Neustrie. Et donc là, il est à Chelles, dans la partie finalement qui lui est dévolue, qui est près de la Marne, et il est assassiné, lardé de coups de couteau, après donc cette partie de chasse. Nous sommes le 28 septembre 584, et il fait froid. Le corps est immédiatement embaumé par l'évêque, un évêque qui était venu lui rendre visite, pour lui rapporter les affaires de son diocèse. Son corps est embaumé et placé dans une barque qui descend lentement le cours de la Marne, puis de la Seine. Alors que le soleil est presque couché, le corps est débarqué à l'entrée de Paris. Un long cortège réunissant tous les princes du royaume franc se dirige vers Saint-Germain-des-Prés. Prise de panique, imaginant les partisans de Brunehaut prêts à se venger, Frédégonde se réfugie dans l'église Notre-Dame, sur l'île de la Cité, et refuse d'en sortir avant la fin des funérailles. Gontran et Childebert, le jeune Childebert, descendent lentement le cercueil dans une tombe creusée à côté de celle de son oncle Childebert Ier, roi de Paris. Le roi mort, la dépouille royale, a les mains sur le pommeau de son épée. Son visage est tourné vers l'ouest, vers la Neustrie, son royaume. Alors, la mort du roi entraîne des troubles dans le royaume. Le cortège nuptial de Rigonde est pillé, elle-même est violée, elle est récupérée par le comte de Toulouse et elle est renvoyée à sa mère. Frédégonde trouve refuge à la cour de Gontran, qui, malgré ses nombreuses trahisons, pleure sincèrement son petit frère. Gontran est un roi bon et généreux, et qui n'est pas rancunier. Là, à l'abri donc de ce prince généreux et pacifiste, la femme de Chilpéric, Frédégonde, élève le dernier fils qu'elle a eu de lui, né sans nom. Elle le baptise Clotaire. Il deviendra roi sous le nom de Clotaire II. La suite dans le prochain podcast. Merci et à bientôt.